worship you. Only you, only you, only you, only you, my God. Only you, my righteousness. Jesus. No one can touch like you do. No one can forgive like you do, Lord. No one can heal like you do. Oh, Lord, only you. No one can bless like you do, Lord. No one can protect like you do. From the heaven to the earth. Ensemble, nous disons rien que toi, Seigneur. Rien que toi. Dieu l'unique et le véritable, notre Dieu. Rien que toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Rien que toi. Si c'est dans le nom de Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Rien que toi. L'unique et le véritable Dieu. Rien que toi. La louange et l'adoration, notre Dieu. Tu es le bonheur et la magnificence. Tu n'es que le véritable Dieu. From the heaven to the earth, only you, only you.